Conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, allons-nous devoir nous former de plus en plus ? Régulièrement, les journaux nous l'annoncent. L'intelligence artificielle bat l'intelligence humaine dans certains secteurs ou dans certaines activités, comme les jeux d'échecs ou de Go. En d'autres termes, il arrive que le silicium écrase le neurone, et cela se produit de plus en plus souvent. Nous sommes donc des êtres imparfaits, du moins en certains domaines, et nous ne pouvons plus prétendre que nous ne le savons pas. Dès lors, nous pourrions être tentés d'abandonner notre idéal d'autonomie pour nous confier à la perfection de machines qui pourraient nous relayer, qui pourraient être intelligentes et savantes à notre place, et qui pourraient même choisir et décider à notre place. Mais nous n'en sommes pas là, et il s'en faut de beaucoup. Nous devons continuer à apprendre, nous devons continuer à nous former tout au long de la vie. Mais comment nous organiser ? À l'heure de l'explosion du numérique, comment nous préparer à l'apparition de nouveaux métiers et nous adapter à la disparition de certains autres ? Est-il possible de concevoir des formations pour tous, à tous les âges de la vie ? Pour discuter de ces questions, j'ai invité Olivier Faron. Bonjour. Bonjour Étienne. Vous êtes administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers. Vous avez été auparavant directeur de l'ENS de Lyon, de l'École normale supérieure de Lyon. Puis vous avez fait beaucoup d'autres choses. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais avant de discuter du sujet de cette conversation scientifique, je voulais insister sur le fait que vous êtes historien. Tout à fait. Voilà. Historien de la période contemporaine. Voilà. Vous êtes professeur à Paris 4, Sorbonne. Et en faisant quelques recherches, et ça n'a pas été très difficile de trouver, j'ai constaté que nous avions à peu près le même âge. Donc vous avez été, comme moi, poussé dans le sens inverse de la marche. L'époque où les poussettes étaient tournées vers la personne qui poussait, la mère en général. Donc on était plutôt connecté à notre passé. Mais est-ce que c'est une raison suffisante pour expliquer que vous soyez devenu historien ? C'est-à-dire que vous avez eu assez tôt un tropisme pour le passé plutôt que pour le futur. Je suis fier, vous avez rappelé mon âge, d'être pour quelques mois non, de la j'ai fin, pas dit. Pour j'ai la fin c'était le même que le mien. De la fin des années 50. Je pense qu'il y a plusieurs raisons pour être historien. Je dirais que il y a des raisons effectivement familiales, il y a des goûts personnels. Les raisons familiales, j'ai un grand-père qui est mort en camp de concentration et ma mère rappelait son souvenir. Donc il y a des choses où on se dit il faut quand même comprendre. Il y a des goûts. Et puis je crois qu'il y a des moments qui sont des moments un peu cruciaux dans un parcours. Il y a des choix qui se font pour, je dirais, une espèce de rationalité un peu utilitariste. Et puis, il y a des choix où on se dit, voilà, on a envie de prendre du temps pour soi, pour faire un autre moment. Et par exemple, c'est un peu comme ça que j'ai vécu ma thèse, mon doctorat, c'est-à-dire d'essayer d'investir dans une pratique intellectuelle. Et je pense qu'il faut faire passer ce message. Le doctorat, c'est une très belle aventure, presque poétique. Oui, mais choisir l'histoire, je reviens là-dessus, c'est quand même pas tout à fait neutre. Est-ce que vous avez un rapport au temps particulier ? Comment est-ce que vous représentez le temps, d'ailleurs ? Est-ce que vous le voyez comme un personnage, comme une abstraction, comme une suite d'événements, comme un être actif ? Pour reprendre un peu ce que disait Arlette Farr, je pense qu'on a en nous cette espèce de goût des archives, c'est-à-dire ce goût de j'allais dire presque de toucher des documents, de retrouver des documents. Et puis, c'est comme s'il y avait plein de fils qui se tissaient avec ceux qui ont vécu avant nous, essayer de comprendre un peu d'où nous venons, et puis se dire qu'il y a des moments, des temporalités, il y a ces formes, et ce que vous avez dit en présentation aussi sur la question des transmissions, il y a toute une série d'héritages, c'est-à-dire se dire nous sommes des héritiers de quelque chose, nous sommes... alors. Probablement, c'est aussi parce que il faut que je règle ces questions-là à titre personnel, d'où je viens et comment je comprends ça. Mais voilà, essayer de construire en forme d'héritage, la notion de transmission est très importante, et essayer d'aller plus loin. Et puis, c'est vrai que, en cela, l'histoire s'apparente un peu à l'archéologie, c'est-à-dire qu'on est très tributaire de ce qu'on va trouver. Et quand on a une espèce de découverte archivistique ou de découverte de documents, c'est souvent ça qui fait naître une forme de passion. Oui. Est-ce que vous considérez, Olivier Faron, que les événements passés ont la même réalité que les événements présents ? Je pense qu'il faut se garder de dire que l'histoire explique quelque chose. L'histoire n'explique rien, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a eu une succession, une causalité d'événements dans le passé que ça va se reproduire comme cela. Il y a un peu souvent cette tentation-là. A contrario, je pense que l'histoire peut expliquer les réactivités par rapport à des formes de présent. Et je pense qu'effectivement, nous pouvons comprendre un certain nombre de choses par rapport à ça. Je prendrai un exemple, je me permets de citer mes travaux. C'est très intéressant comment, malheureusement, parce que ce qui arrive à nos pays et à nos démocraties est quand même assez terrible, avec toutes les formes de radicalisation et autres, mais je prends le sujet sur lequel j'ai travaillé, c'est les orphelins de guerre. Aujourd'hui, avec tout ce qui les attentats, nous retrouvons cette problématique de l'orphelin. Et donc là, pour le coup, c'est vraiment une situation, et il s'agit de la concevoir de façon très élargie, c'est-à-dire que c'est une situation effectivement historique, c'est un fait historique, mais ce sur quoi l'histoire peut être utile, c'est parce qu'on peut comprendre toutes les ondes qui se forment autour d'un point central, d'un événement aussi dramatique que la mort du père, en l'occurrence. Alors justement, vous avez écrit un livre, Olivier Faron, qui s'intitule « Les enfants du deuil, orphelins et pupilles de la nation de la Première Guerre mondiale ». Qu'est-ce qui vous a porté vers ce sujet ? Alors au départ, c'était bon dans la continuité. Moi, je suis un peu un historien des populations, des sociétés, donc des comportements individuels avec une forte connotation de démographie. Et puis il y avait un certain nombre d'angles morts sur la Première Guerre mondiale, notamment concernant les victimes de guerre. Donc il y avait ce sujet-là. Et puis il y avait un certain nombre de grands juristes, comme Legendre par exemple, qui avaient dit il faut s'intéresser aux pupilles de la nation, parce que la France, qui est toujours avec ce côté un peu « nous allons inventer des choses », a fait translater les orphelins de guerre, on a fait les pupilles de la nation. Ça semble juste un jeu de, une question de mots, mais c'est une question au contraire beaucoup plus importante, parce que ça veut dire que l'orphelin de guerre est vraiment reconnu par la nation. C'est comme si, en fait, cet orphelin de la Première Guerre mondiale avait un nouveau père. Ce nouveau père, c'était la nation elle-même, qui le reconnaissait et qui allait, en fait, essayer de remplacer son père. Le pari est presque fou, parce qu'il y a cette espèce de côté de l'accompagner. Et tout de suite, je me suis dit, ça, c'est un sujet passionnant. Au début, je voulais travailler aussi sur les veuves, mais les veuves, il y a aussi, et c'est là où on est tributaire de documentation, et l'orphelin, c'est devenu un personnage que j'ai souhaité raconter, qui me semblait très intéressant. Vous êtes le deuxième historien accueilli à la conversation scientifique, Olivier Faron. Le premier, c'était Patrick Boucheron, qui a dit à ce micro « L'historien, de temps en temps, doit casser l'ambiance ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Vous l'avez fait un peu dans un article dont on parlera tout à l'heure, à propos de la formation. L'historien, oui, Patrick Boucheron, qui aujourd'hui, dont on parle beaucoup, donc qui fait connaître notre discipline et qui la généralise. Je ne sais pas si on doit casser l'ambiance. Je pense que, au risque de faire un truisme, il est clair qu'aujourd'hui, on est totalement dans une espèce d'immédiateté qui fait peur. Enfin, je veux dire, on est vraiment au règne des réseaux sociaux, de la réactivité, et ce recul, cette épaisseur historique, se dire voilà, qu'est-ce qu'on sera dans 10-20 ans, mais d'où est-ce qu'on vient il y a 100 ans, il y a 200 ans, et essayer de donner un peu d'épaisseur et de recul, c'est absolument nécessaire. Donc c'est peut-être casser l'ambiance en disant que voilà, nous sommes des êtres aujourd'hui, mais réfléchissons à ce que nous serons dans 10 ans et en réfléchissant à un passé. C'est en cela qu'on est un peu décalé par des formes d'immédiateté qui occupent, je dirais, toute la sphère publique et tout l'espace public. Et c'est aussi pour ça, probablement, que le message des historiens prend plus de temps à se faire entendre, parce que voilà, on vient avec un certain nombre de codes et un certain nombre de rituels qui sont le propre de notre corporation. Si vous le voulez bien, nous allons venir au sujet du jour, Olivier Faron, qui est la question de la transmission, de la formation. Je rappelle que vous êtes administrateur général du Conservatoire National des Arts et Métiers, donc vous êtes au cœur du sujet, d'où mon invitation d'ailleurs, il n'y a pas de mystère. Comment est-ce que vous voyez les choses ? Est-ce que vous avez l'impression que la situation, qu'il s'agit de la formation à l'université, ou bien de la formation continue ou professionnelle, est satisfaisante ? Alors, si vous me permettez, je recommencerai par la présentation que vous avez faite. C'est-à-dire, en gros, vous avez dit il y a un rapport homme-machine et que la transmission est faite par de l'homme-machine. Alors, Moi, il y a quelque chose qui me parle beaucoup, c'est que nous avons mesuré, au CNAM, on accueille à peu près 70 000 personnes qu'on forme chaque année, nous avons mesuré trois modes de transmission. Premier mode, le mode, en gros, traditionnel, le mode, ce qu'on appelle le présentiel, c'est-à-dire un prof parle à des élèves. Nous avons mesuré le mode qui, pour reprendre votre exemple, plutôt machine, c'est-à-dire exclusivement dû à distance, produits générés. Des MOOC. Les MOOC. Par exemple, bien sûr. Et puis, nous avons mesuré le modèle hybride, c'est-à-dire vous mettez du numérique plus du présentiel. Et dans tous les cas de figure, c'est l'hybride qui marche le mieux. Alors, ça peut sembler un épiphénomène, ce n'est pas du tout un épiphénomène. Ça veut dire aujourd'hui deux choses. D'abord, le numérique, c'est une formidable plus-value. Et effectivement, il faut se former avec tous les outils, les MOOC, les Serious Games, il y en a beaucoup. Mais ça veut dire aussi que la médiation, le passage par une fonction d'enseignant, alors que on a tous en tête des modèles où ça existe moins, eh bien, c'est aussi essentiel. Et ce que je crois, c'est que c'est aussi quelque chose d'important, c'est-à-dire de rappeler ça. Par rapport à la question que vous posez, il est clair, et c'est rappelé de plus en plus, que la vraie force, surtout de pays comme les nôtres, hein, qui ne vont pas se mettre à revenir à une industrie de base, c'est évidemment la compétence. Et c'est évident, là, c'est quelque chose évidemment de facilement démontrable, que la compétence bouge. Vous commencez à former quelqu'un au numérique, 4-5 ans après, vous savez que ce à quoi vous l'avez formé aura probablement beaucoup bougé. Donc cette idée d'une espèce d'actualisation en temps réel, c'est aussi un formidable enjeu, un formidable défi. Et il y a un autre défi qui est que nous devons avoir en tête que nous allons nous former tout au long de la vie. On est très fiers au CNAM d'avoir des auditeurs qui ont dépassé allègrement les 80 ans et qui considèrent que c'est plus un processus, je dirais, d'autoréalisation de se former. Mais est-ce que, justement, il n'y a pas la tentation de considérer que la connaissance, les connaissances sont tellement vastes, nombreuses, profondes, qu'elles ne peuvent être que périphériques à nos cerveaux et que du coup, la personne compétente n'est pas la personne qui les possède, mais qui est capable d'aller les chercher en cas de besoin, grâce au numérique, par exemple. Alors, c'est intéressant que vous parliez de connaissances. Notre pays, c'est quand même un grand pays, en définitive, très clivant. C'est-à-dire, on adore dire qu'il y a des choses qui sont coupées. Comme vous l'avez rappelé, j'étais avant le directeur d'une école très académique, une école normale supérieure, et maintenant, je suis le responsable d'une maison très dans la formation professionnelle. Et c'est très intéressant, c'est comme si, en France, on vivait les deux mondes de façon totalement orthogonale, comme si les deux mondes étaient antagonistes, comme s'il y avait d'un côté un endroit où on formait aux connaissances et de l'autre un endroit où on formait aux compétences. Quand même, grossièrement, on peut considérer que le système de formation à commencer par le lycée est très sur le premier côté, très académique. C'est-à-dire que si vous êtes bon en maths, et c'est pas à vous que je vais dire ça, mais très bon en maths ou en physique, toutes les portes s'ouvrent. A contrario, c'est comme si vous étiez relégué si on va vous faire un message de compétence. Je pense évidemment que l'avenir est dans essayer de comprendre en quoi les connaissances vont devenir des compétences, mais aussi en quoi les compétences doivent s'appuyer sur un socle scientifique et essayer de construire quelque chose de différent. Prenez évidemment, les modèles qui sont les modèles de, par exemple, de création, justement, de dans le numérique, de création de jeux vidéo, de création comme ça. Il est clair que les formes d'intelligence qui sont reconnues par ce type de dispositif sont un peu hors des sillons bien tracés. Et c'est aussi ça que nous avons le devoir de pouvoir reconnaître dans les meilleures conditions. Est-ce que vous trouvez que je pose la question, mais je connais la réponse, parce que vous avez écrit un article dont le titre est un peu provocateur, avec l'idée que, en fait, en France, on est classé et déterminé à 20 ans. Et ce qu'on fera dans la vie dépend des résultats scolaires qu'on a eus à un âge assez précoce. Comment faire pour que le parcours scolaire ne soit pas ressenti comme la formalisation précoce et définitive d'une prédestination ? C'est vrai que, enfin là je dis une évidence, hein. Vous pouvez, on a un tout petit peu vieilli tous les deux au même rythme, souvent, voilà, quand on se rencontre dans les sphères de notre société, on se définit comme normalien, énarque ou polytechnicien. C'est quand même un truc qui... Quand on l'est, on aime le rappeler et on aime... Et puis après, le deuxième stade, on commence à parler de l'année de la promo. Après, on commence à parler des réseaux. Enfin, voilà. Donc, il y a cette caractéristique-là. Honnêtement, c'est quand même une spécificité française dont il faut se demander si elle est extrêmement positive. En tout cas, elle existe. Bon. Il est clair que la formation tout au long de la vie, c'est quand même un peu la prose de M. Journin. On en parle beaucoup. Honnêtement, c'est pas encore complètement dans les cerveaux. Quand je vous dis que ça fait partie des clivages, des séparations que nous avons toutes et tous en tête, je pense que c'est une séparation qui est profondément à dépasser, à transcender, parce que ce qui est important aussi, c'est de dire que il peut y avoir évidemment des passages emploi-formation. Nous avons besoin, parce que nous savons que les carrières ne sont pas linéaires, nous avons besoin de progresser. Vous savez, je dis toujours, j'ai la chance d'être, vous l'avez rappelé, enseignant du supérieur. Je suis professeur des universités. Je n'ai jamais été formé, jamais évalué. Bon. Est-ce que c'est normal que des professions qui sont quand même de transmission, est-ce que c'est normal que ces professions-là... Vous avez été formé à l'histoire, peut-être pas l'enseignement, mais à l'histoire. J'ai été formé à l'histoire, mais je n'ai pas été formé à ma pratique professionnelle, c'est-à-dire à la pédagogie. Bon. Et c'est quand même quelque chose, donc on voit bien que les déficits de formation sont très importants, et il est clair que, prenez un cas de reconversion, on en entend tous les jours, de reconversion industrielle, prenez un cas de des situations souvent assez quand même tragiques pour les personnes concernées, il est clair qu'il y a un formidable sujet de reconversion, d'adaptation, de prise en compte qui doivent être faits, et c'est là ce que nous essayons aussi de faire au CNAM, qui doit être fait à l'écoute des attentes et des potentialités des individus et pas de façon, je dirais, totalement abstraite. En clair, il faut aussi que l'offre de formation s'adapte plus, en tout cas c'est le message que nous faisons passer, aux besoins que le contraire. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'exemples de personnes qui ont des problèmes à l'école, des difficultés scolaires, et qui, sur le tard, se révèlent plus compétentes, plus motivées, plus créatrices que d'autres ? Nous avons une très belle opération, je me permets de faire un peu de publicité, vous ne m'en voudrez pas. Nous avons une très belle opération qui s'appelle l'école Vaucanson au CNAM. Cette opération, elle est très simple. Elle consiste à accueillir un certain nombre de bacheliers professionnels, pas forcément les meilleurs bacheliers professionnels, on ne les sélectionne pas sur leur mention ou autre, on les sélectionne sur leur envie, sur leur motivation. Pendant 3 ans, on les accompagne vers une licence générale, on fait ce qu'on appelle de la pédagogie inversée, c'est-à-dire qu'on met l'apprenant au cœur du dispositif, on met de la culture de projet, et puis ils sont en apprentissage. Au bout de 3 ans, nous avons 80% de réussite de ces jeunes. Alors que dans le système d'enseignement supérieur traditionnel, les bacheliers professionnels oscillent, le taux de réussite oscille entre 3 et 5%. Et réussite à quoi ? Réussite à la licence, qui est une licence générale. Alors vous me parliez de cet exemple-là, j'ai en tête un jeune que nous avons formé, qui est rentré honnêtement totalement marginalisé par le système scolaire, avec un bac pro, avec une mention passable. Aujourd'hui, ce jeune qui est sorti de notre dispositif il y a 3-4 ans, est le numéro 2 de Safran pour l'Asie. Honnêtement, ça prouve qu'il réussit, j'allais dire, au moins aussi bien, voire mieux, que des X, que des ingénieurs brillants, et c'est super. Mais si on tient compte de cette réalité là que vous citez, qu'est-ce que ça implique de changer dans le système ? C'est un vaste problème. Comment arriver à généraliser ce que vous dites, qui ne concerne pour l'instant que des promotions assez faibles ? Ça implique 2 choses. La première chose, je pense que c'est un message extrêmement important. Les jeunes de notre pays ont plein de potentialités que le système exclusivement de reconnaissance académique ne permet pas d'identifier. C'est-à-dire que les jeunes ont des formidables potentiels. Le système français, qui est un système excellent pour les connaissances académiques, excellent pour la reconnaissance des profils les plus scolaires, on peut accepter l'idée, est-ce que c'est un système qui permet de reconnaître le goût du risque, la découverte, de reconnaître plein de choses, de reconnaître la compétence sur les réseaux sociaux, de reconnaître, François Taddeï dit, il faut aussi reconnaître tout ce qu'il y a, même des, en gros, la capacité à utiliser toutes les ressources du numérique. Donc ça, reconnaître ses potentiels, c'est très important. Et puis, deuxièmement, il faut, encore une fois, que le système soit au service de ces jeunes qui sont des jeunes différents. Il faut que nous ayons des actions pour accueillir tous les publics. Il faut que le système de formation soit un système profondément inclusif. Et là, ça suppose que nous relevions toutes les bonnes expériences, les bonnes pratiques, que nous soyons très solidaires en termes de capacité à former des publics qui sont très différents. Et il y a, nous avons des chocs en temps réel. Je pense par exemple à l'accueil des réfugiés. Je pense à former un certain nombre de décrocheurs. Je pense à toutes ces actions-là. Nous avons à nous mobiliser pour offrir la bonne réponse. Alors c'est le moment dans cette émission de passer le premier morceau de musique que vous avez choisi. Il tombe fort à propos après ce que vous venez de dire, qui s'intitule « Douce France » de Rachid Tahar. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier sur le chemin de l'école. Je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, mon village. Olivier Faron, Douce France, on devine la raison de votre choix. Je dirais qu'il y a deux raisons à mon choix. La première, c'est que pour moi, Rachid Tahar, et quand il chante et quand il reprend Douce France, qui fait partie du, j'allais dire, du patrimoine national, il montre qu'il y a un vrai héritage. Il montre que voilà, lui, qui est venu d'Algérie, qui est venu en France, eh bien, il se retrouve dans l'héritage de notre pays. Je pense que c'est un message extrêmement important. Et ça me rappelle le livre qui est sorti sur ma part de Gaulois. Enfin, c'est très important de rappeler voilà, que nous sommes la force de notre pays, c'est d'avoir des concitoyennes et concitoyens d'origine extrêmement diverse. Et la deuxième chose, c'est que je pense que Rachid Tahar était un des premiers. Il a participé à la marche des beurs. Cette chanson, il l'avait distribuée aux députés quand elle était sortie. Un des premiers à nous alerter sur les risques de l'extrémisme politique, c'était au milieu des années 80. Et je pense que voilà, on peut accepter l'idée qu'on l'a peut-être pas assez entendu, parce que Rachid Tahar nous a donné une très belle leçon. Donc une leçon en forme de transmission, qui est le thème que vous avez choisi aujourd'hui, et puis une leçon aussi, je dirais, politique, et politique au sens le plus fort du terme. Si vous le connaissez, vous pourrez peut-être lui transmettre cet anagramme. Le sectarisme, ça donne quoi? Le sectarisme, ça donne « c'est la misère ». Oui, c'est tout à fait ça. Ouais, alors, on va continuer sur cette histoire de formation universitaire ou bien professionnelle, formation permanente, continue, comme on dit. Pour la science, est-ce que vous pensez que la science joue un rôle particulier dans l'éducation, ou devrait jouer un rôle différent de celui qu'elle joue? Je dis cela parce que vous avez été responsable de la, ou en charge de la culture scientifique et technique à une époque. Peut-être pouvez-vous nous rappeler en quel... Tout à fait. J'étais au cabinet de Claudie Engret, et Claudie Engret, c'est apporté, je crois, à quelque chose de très important dans l'esprit qu'avait eu Hubert Curien, c'est-à-dire de dire, voilà, il faut transmettre la science. Et cette transmission de la science est extrêmement importante. Et donc, elle m'avait confié le pilotage d'une action qui était sur la culture scientifique et technique, comment on peut aller plus loin. Je pense que là encore, il y a un autre choc culturel à faire en France, parce que nous ne sommes pas forcément assez conscients des enjeux de la diffusion de la culture scientifique et technique, et puis probablement nous n'agissons pas assez. Et donc là, c'était s'appuyer sur les grands opérateurs, parce que nous avons la chance en France d'avoir de très grands opérateurs de ces questions-là. Je pense aux lieux, aux musées de sciences, aux associations scientifiques, et donc d'essayer de coordonner cette action et de faire un plan de diffusion de la culture scientifique. Je pense que nous avons tracé un certain nombre de pistes, et je pense que faire connaître la science, faire aimer la science, et puis montrer que la science, sous une forme ou une autre, est accessible pour tous, c'est un enjeu extrêmement important et un enjeu à renouveler. Il y a eu évidemment, il y a des grandes initiatives type Fête de la Science qui marchent bien, qui ont des succès, mais je crois que c'est une action tous azimuts qu'il faut engager. Quel rôle vous souhaitez attribuer aux musées de sciences? Est-ce qu'ils sont suffisamment nombreux? Il y en a un au CNAM qui est magnifique. Alors, je pense que les musées de sciences ont un rôle très particulier à jouer. La Cité des sciences fait un travail formidable. Il y a effectivement le musée des arts et métiers que vous avez rappelé et qui sont essentiels. Pourquoi les musées de sciences sont essentiels ? Ils sont essentiels parce que ils permettent d'accueillir les publics les plus larges. Je pense aux scolaires, je pense aux publics les plus grands. Et puis, c'est aussi le moyen de construire des formes de transmission innovantes, de utiliser les objets comme des vecteurs de transmission. On a fait au CNAM un très beau MOOC sur la fabrique de l'innovation porté par Gilles Garel, qui part des objets du musée pour comprendre comment on va vers l'innovation. Donc je pense que ces musées, il faudrait plus les appeler musées, parce que souvent un musée, ça fait peur, notamment à des enfants. C'est vraiment des lieux, comme la cité, hein, des lieux et des espaces dans lesquels se passent des étincelles, se passent des expériences, se passent beaucoup de choses qui font que on va vers la science. Le chemin vers la science, il doit être beaucoup plus naturel que cela. Quand je dis que nous avons un retard, c'est que ça doit aussi s'accompagner, évidemment, de l'investissement de tous les médias. Je me rappelle qu'on avait organisé avec Claudie Ingray une année de la physique à l'époque. La différence entre l'année de la physique qui était européenne entre la France et l'Allemagne, c'est qu'en Allemagne, beaucoup de grandes chaînes de télévision s'étaient mobilisées. Or, les médias sont souvent un peu rétifs à aller vers parler de science, alors que c'est, comme vous le faites d'ailleurs, absolument essentiel. Mais puisque l'émission s'appelle la conversation scientifique, on va insister sur ces questions, si vous voulez bien. On a longtemps dit qu'il fallait mettre la science en culture, avec l'idée que si on parle de l'équation de Schrödinger à quelqu'un, dès lors qu'il a une sensibilité culturelle affirmée, il va s'approprier cette notion difficile. Est-ce que c'est pas plutôt l'inverse qu'il faut faire, c'est-à-dire mettre de la culture dans la science ? Et si on met de la culture dans la science, dans la façon de la raconter par exemple, alors de fait elle deviendra partie prenante de la culture générale. Oui, je pense deux choses. D'abord, je pense que la science a besoin d'être incarnée. Je pense que, par exemple, des grandes figures comme un Cédric Villani incarne ça très bien, en montrant aussi, d'ailleurs, que la science est un peu partout. Après, il est clair qu'il faut qu'il y ait une proximité. Il faut que c'est toute la question de l'interdisciplinarité en définitive. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de porosité intellectuelle qu'il n'y a. Alors c'est vrai avant le bac, hein, c'est vrai pendant le système scolaire, mais j'allais dire c'est encore plus vrai dans l'enseignement supérieur, où on a l'impression que les mondes s'écartent presque définitivement. Et moi, je me rappelle d'avoir, par exemple, on a été amené à travailler quand j'étais au comité national au CNRS pour recruter des historiens autour des thèmes de l'environnement et de l'écologie. Et vous avez presque une espèce de réflexe corporatiste de dire, il faut un historien pur sucre. Nous avons encore plus à apprendre, et il y avait d'ailleurs de très bonnes candidatures sur ça, de biologistes qui font le choix d'utiliser, de prendre la question du document historique pour avoir une approche sur le long terme. Je serai dans quelques jours un doctorat qui est un doctorat de biologie, mais le jeune qui va présenter ce doctorat est parti d'une hypothèse sur les orphelins de guerre que j'avais faite dans mon livre. Voilà, je pense que, tout le monde le dit, hein, mais c'est vrai que la vérité, et en tout cas ce qu'il y a de plus suggestif, c'est vraiment aux frontières. Donc, de grâce, essayons de porter des frontières. Ça veut dire qu'il peut se passer des choses intéressantes entre les disciplines. Et pas forcément. Il doit se passer des choses entre les disciplines. Alors, justement, comment les désenclaver, puisqu'elles le sont assez fortement, malgré toutes les injonctions à l'interdisciplinaire, au transdisciplinaire, au multidisciplinaire? Je pense profondément qu'il faut que nous ayons une lecture du monde qui entérine cela. Je pense qu'il faut que nos établissements, tous les établissements d'enseignement supérieur, prennent profondément en compte cela. Quand on avait créé l'Institut français de l'éducation à Lyon, on s'était dit, on fait cette réforme de la question de l'éducation, on crée un nouvel institut qui relayait l'Institut national de recherche pédagogique, et on s'est dit, on va faire des chaires de pédagogie des questions scientifiques. Et ça a très bien marché. C'est-à-dire que c'est une volonté qui doit être affichée. Et à contrario, il faut relativiser l'organisation stricte en discipline. Je pense qu'un des moyens de le faire est la question aussi qui va se poser de plus en plus, qui est pour le coup, même pour l'organisation universitaire, de passer de connaissances en compétences. Quand vous parlez de compétences, ça veut dire aussi une capacité à être, à assumer un certain nombre de choix, de risques, de positions, d'attitudes professionnelles. Et c'est là où beaucoup de contenus doivent arriver d'origines très différentes. À nous de relever ce défi-là, et aussi à nous d'être soutenus quand nous allons dans ce sens-là, parce que ce sont des choix qui sont souvent des choix compliqués. Mais est-ce que les compétences ne sont pas plus volatiles que les connaissances, au sens où l'évolution des métiers, par le biais du numérique ou des techniques en général, ne les rend pas plus rapidement obsolètes ? C'est-à-dire que les compétences, elles sont surtout, je dirais, elles sont effectivement dans l'actualité dans une espèce de forme d'actualité de l'emploi. En même temps, la bonne compétence, c'est aussi la compétence qui va vous permettre d'aller dans le coup d'après, de réfléchir, de vous projeter. Donc il y a ces deux aspects-là. Moi, j'insiste toujours quand on construit nos offres de formation en disant il y a un socle qui est essentiel et il doit y avoir un noyau qui va permettre de rebondir, permettre voilà, de se projeter dans quelque chose qui vient après. Aujourd'hui, au contrario, on assiste à une espèce de tentation de règles d'auto-formation. Vous l'avez rappelé en disant voilà, le citoyen, ça devient un peu comme celui qui se fait sa propre pharmacie, sa propre automédication. Il arrive devant un ordinateur, il se dit eh ben, ça y est, je vais me faire ma formation. Non, il y a quand même cette nécessité d'une construction qui permet précisément d'accompagner des changements. Après, je ne vais pas vous mentir, hein, les changements, c'est pas vous que je vais expliquer ça, quoi. On ne va pas tous les inventer. Mais les préparer, en tout cas mentalement, oui, c'est important. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Mais on accuse souvent les organismes de formation de ne pas répondre aux besoins des entreprises. Alors, qui doit décider des programmes ? Est-ce que c'est une certaine idée du savoir qui doit piloter les choix qui sont faits, ou bien est-ce qu'il faut satisfaire les demandes de ce que certains appelleraient le marché professionnel ? Alors pour moi, c'est d'abord... C'est une fausse question ? Non, pour moi, c'est un débat vieux comme le monde. Alors c'est extraordinaire parce qu'on dit toujours, oui, alors vous les organismes, vous comprenez pas les entreprises. Les entreprises ne comprennent pas les organismes. Pour moi, c'est du 50-50. Je pense qu'on gagnerait du temps si on se disait c'est du 50-50. Il y a des choses que nous ne faisons de mal. Quand vous dites nous, c'est qui ? Les établissements de formation que je représente, les organismes, bon, nous faisons mal et c'est vrai que voilà, y a des choses et il y a des choses qui nous incombent, puis il y a des choses qui sont très longues. Quand aujourd'hui, pour un titre de compétence professionnelle, vous attendez 18 mois pour que le titre soit reconnu, je pense que la France n'est pas sous-administrée. On pourrait peut-être gagner du temps. Mais à contrario, il faut quand même accepter l'idée, quand on nous parle comme ça, que les entreprises pourrait aller beaucoup plus loin. Mais je dis dans une collaboration intelligente. Les entreprises pourraient aller beaucoup plus loin en faisant plus d'apprentissage. Les entreprises pourraient aller beaucoup plus loin pour aussi décliner leurs besoins. Sur la question que vous posiez, qui est quand même la question centrale, de quelles compétences on aura besoin demain, voire après-demain ? Honnêtement, le monde de l'entreprise pourrait prendre plus de risques. Si vous leur demandez quels seront les emplois dans 1, dans 2, dans 3, dans 5 ans, il y a peu de branches professionnelles qui vont prendre ce risque-là au risque d'être démenties. Donc, je pense qu'il faut aller plus loin vers des autres. Qu'elles s'engagent plus. Et puis, le risque sera plus acceptable s'il est partagé. Or, aujourd'hui, c'est vrai que le problème notamment de la formation professionnelle, c'est qu'on travaille écrasé par le temps, on travaille en temps zéro. Et que cette capacité à faire de la prospective ou de la stratégie est absolument vitale. Alors, j'ai lu dans ma petite enquête que vous vous occupez d'un groupe de travail qui s'intitule « Des formations pour tous ». Alors, qu'est-ce que c'est que ce groupe de travail ? Qui l'a décidé ? Sur quelles idées travaille-t-il ? Alors, ce groupe de travail s'inscrit dans la concertation sur un modèle qui a beaucoup effrayé la chronique, surtout, qui a mobilisé à la fois les lycéens, leurs parents et puis tout le monde de la formation, qui est donc en gros, comment on va vers une insertion professionnelle plus réussie, enfin une insertion, pardon, dans l'enseignement supérieur plus réussie, et comment on facilite l'entrée, notamment à l'université. Donc, le gouvernement a lancé cette concertation, il y avait 11 groupes de travail. Hier, le rapporteur de ces groupes a livré ses conclusions. Alors, moi j'étais très fier et très heureux de m'être occupé d'un groupe qui travaillait sur ce que vous avez dit, et je pense que ça c'est un formidable slogan politique. Des diplômes pour tous, ça veut dire que chacune et chacun des jeunes de ce pays. Des diplômes pour tous ou des formations pour tous ? Je pense qu'aujourd'hui, toute formation doit être reconnue par une forme de certification. Et je pense que, et c'est là où nous avons à progresser avec le monde de l'entreprise, vous posiez la question auparavant, c'est-à-dire que les formations ne peuvent pas se faire, j'allais dire, dans le vide, elles doivent aboutir. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que la forme de reconnaissance de la fin d'une formation, c'est la brique qui va vous permettre de construire un parcours et de faire d'avancer dans une formation véritablement tout au long de la vie. Pour reprendre sur ce groupe, donc, ce groupe se fixait une question qui est une question centrale, c'est-à-dire comment, notamment à des bacheliers qui sont moins reconnus que d'autres par un système, et donc un système au sens de système socioculturel, je pense aux bacheliers pro, je pense aux bacheliers techno, je pense aussi aux décrocheurs dont on ne s'occupe pas assez, c'est inacceptable dans notre pays, inacceptable que des jeunes sortent du système scolaire sans le bac, sans aucun dispositif. Donc, comment on fait pour leur permettre un arrimage au monde de la formation et leur permettre d'être mieux reconnus et d'avoir l'outil de base pour trouver l'emploi qu'ils méritent. C'est une question majeure. J'ai lu que des propositions seraient formulées avant Noël. Vous en connaissez la teneur ? Alors, nous avons livré, et hier après-midi, donc le rapporteur Daniel Filâtre, qui est le recteur de Versailles, a livré un très beau rapport, hein, qui est diffusé à partir de ce matin. Et nous étions dans une fonction de concertation, donc nous réunissions l'ensemble des organisations syndicales, représentatives des établissements. Nous avons livré un certain nombre de propositions et le gouvernement avancera et prendra ses décisions courant du mois de novembre. Alors, Olivier Faron, j'ai une autre question à propos de ce que vous considéreriez comme un système idéal d'enseignement supérieur. En général, quand on dit que la France est trop partagée selon les formations des jeunes, par exemple, on dit qu'il faudrait les mettre tous ensemble dans une sorte de service civique, une sorte de reconstruction d'un service militaire, mais plus court et mieux adapté au temps présent. Et vous, vous dites non, il faudrait que tous, quelle que soit leur formation initiale, passent une année à l'université. Est-ce que c'est un gag ou est-ce que c'est sérieux ? Je pense qu'il y a un effet de génération, c'est-à-dire que cette espèce d'idolâtrie du système, du service militaire, honnêtement, ça me laisse songeur. Moi, j'ai dû être une des dernières générations à avoir connu le service militaire. Que le service militaire soit ce grand lieu d'épanouissement, j'en suis pas totalement convaincu. En même temps, il faut qu'il y ait effectivement des sensibilisations. C'est très important vu ce qui se passe dans notre pays. Mais enfin, en tout cas, bon. Vous n'étiez pas dans la marine. Et j'étais pas dans la marine. Un certain nombre de candidats. Parce que dans la marine, c'était bien. je me suis trompé. Un certain nombre de candidats aux élections présidentielles ont ressorti ce modèle-là. Bon. Ce que je dis, c'est qu'on a beaucoup à apprendre du service civique, des césures, et ça, je pense que c'est très, très important. C'est une respiration qui aujourd'hui devient très importante, et je voudrais profiter de ce moment pour rendre hommage à François Chérec, qui a été quelqu'un d'exceptionnel sur tous les sujets dont nous parlons aujourd'hui, et on lui rendra jamais assez hommage. Mais, ce que je crois aussi, c'est que, derrière cette idée du service militaire, c'est quoi la piste importante? La piste importante, c'est que tous les jeunes de notre pays passent un moment ensemble. Je pense que notre système est quand même un système qui, si vous me permettez, fait des trous dans le tuyau trop vite, qui isole soit par le haut, soit par le bas, qui isole un certain nombre de jeunes présélectionnés en les exfiltrant du système habituel, par le bas avec des décrocheurs et autres. Et je pense, mais je l'ai dit dans le papier que vous mentionnez, c'est une utopie, mais c'est une belle utopie, puis ça fait rêver d'avoir des utopies. Je pense que si tous les jeunes venaient dans ce lieu magnifique qui s'appelle l'université avec un grand U, et qu'ils étaient ensemble, qu'ils partageaient ensemble, qu'ils rencontraient, que les enseignants-chercheurs des universités les accueillent, et qu'ils passent une année, qu'ils soient une année à la fois, je dirais, de formation, et moi ça me frappe beaucoup, on oublie quand même, et on devrait le rappeler, on devrait l'écrire sur les frontispices de nos établissements, que l'université avec un grand U, c'est un formidable lieu de formation à la citoyenneté, à la solidarité, à l'engagement. On est aujourd'hui en train de dire que, et c'est quand même l'administrateur général du CNAM qui parle, mais en train de dire que tout n'est question que de professionnalisation. Là, il s'agit du destin des nouvelles générations. Ces nouvelles générations, elles doivent avoir, alors le mot prête à confusion, mais elles doivent avoir des valeurs au sens le plus fort du terme. Et cette idée que, quelle que soit leur origine, leur milieu, ces jeunes passent une année ensemble, moi je trouve que voilà, c'est mon rêve. Olivier Faron, c'est le moment du deuxième morceau de musique. Je ne sais pas de quoi il s'agit, vous nous le direz après. She was more like a beauty queen from a movie scene. I say, don't mind, do you mean I'm the one who dance on the floor and around. I'm the one who dance on the floor and around. Said her name was Billie Jean. As she crossed the scene, every head turned with eyes that dreamed of being the one. Dance on the floor and around. The one to dance on the floor and around. People always told me, be careful of what you do. Stop breaking young girls' hearts. My mother always told me, be careful of who you love, be careful of what you do, 'cause life become the truth. Billie Jean is not my lover, she's just a girl who claims I'm the one. But the kid is not my son, I'm the one. Kid is not my son. Olivier Faron, dites-nous en plus sur cette chanson de Rodolphe Burger, un Strasbourgeois. Alors, moi je trouve que Rodolphe Burger, et vous l'avez entendu, est un formidable musicien. Je trouve, et c'est un peu le thème de votre émission, Rodolphe Burger est quelqu'un qui fait de la recherche musicale, c'est-à-dire qui expérimente, qui invente, et je trouve que cette reprise d'une chanson ultra connue qu'on avait tous en tête est quelque chose qui apporte beaucoup de choses. Puis il y a un peu un clin d'œil entre les deux morceaux, puisque en fait Rachida et Rodolphe Burger sont deux enfants de Sainte-Marie-aux-Mines, donc dans les Vosges. Il y en a un, Rodolphe, qui y est né, et l'autre, Rachida, qui y arrivait quand il avait 10 ans. Ce sont aussi de grands amis qui font un super groupe ensemble qui s'appelle Couscous Clan. Et puis c'est un clin d'œil au fait que dans cette galaxie, ils sont aussi amis avec la styliste Agnès B, sur laquelle, avec ma compagne Myriam Chopin, j'ai écrit un livre. Voilà, quand ils ont chanté au Musée d'Histoire de l'Immigration un très beau concert, ils ont joué et chanté un très beau concert, donc dans ce lieu magnifique, le Musée d'Histoire de l'Immigration. Et à la fin, Agnès est montée sur scène et a dit « Nous sommes tous métis ». Voilà, je trouve que ça donne envie d'y croire. Alors, vous le connaissez, est-ce que c'est vrai qu'il a écrit des chansons de François Hardy? Bien sûr, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour la musique, pour la chanson française, et qui fait encore beaucoup. Et je trouve que cette reprise de Michael Jackson, je trouve que voilà, c'est. Mais qu'est-ce qui peut faire que l'historien que vous êtes, administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers, donc un homme débordé, se dise un matin, tiens, je vais écrire une biographie d'Agnès B? Ben je pense que le travail que j'ai la chance de faire, que j'ai l'honneur de faire, qui m'engage beaucoup, voilà, c'est un travail très prenant. Je pense qu'on a tous besoin de jardins secrets. Et puis, je trouve qu'il y a une espèce de, alors, d'aucuns appellent ça le déclinisme, d'autres le pessimisme, d'autres, voilà, notre pays va mal, irait mal. Je pense que Agnès B, c'est un personnage étonnamment positif, étonnamment riche, et puis, qui montre précisément, et ça répond à votre question, que il faut arrêter de, voilà, d'avoir des silos et arrêter de penser que une femme ou un homme doivent être cantonnés à une, elle est à la fois styliste, elle a une formidable collection, elle est très engagée dans l'humanitaire, elle soutient, elle organise des concerts avec ses copains musiciens, avec ses copains artistes. C'est une formidable leçon de vie, donc. Arrêtons de, voilà, racontons aussi ce qui se passe bien ce qui réussit, ce qui donne du sens. Et je trouve que voilà, c'est un personnage et travailler sur elle. Alors moi, j'ai fait un peu, vous parliez tout à l'heure de mes travaux d'historien, un peu une pérégrination dans le siècle. Je suis parti, je travaillais au début sur le début du 19e. Je suis passé par les orphelins, après par la Seconde Guerre mondiale. Et là, utiliser ce que je sais faire en historien, comme ma compagne qui est elle-même historienne, pour un sujet dans une formidable actualité, parce que Agnès, pour la suivre, c'est très compliqué, elle a toujours une activité super débordante, eh bien c'est passionnant. Je vais revenir, Olivier Faron, à votre idée dont vous avez vu qu'elle m'a étonné, d'envoyer tous les jeunes, quelle que soit leur formation initiale, quel que soit leur niveau, à l'université pendant un an. D'abord, il n'y a pas la place dans les amphithéâtres pour accueillir tout le monde. Je pense que ça posera des problèmes pratiques énormes. Mais comment est-ce que cette idée a été accueillie ? C'est pas une question de, je crois que c'est pas une question de place, c'est une question d'organisation. La deuxième chose, c'est clair que, voilà, chacun pense que, effectivement, ce que je dis toujours, hein, c'est que tout de suite, c'est que c'est une utopie. En même temps, il y a quand même aujourd'hui, beaucoup de constats qui sont faits, qui montrent que, le système est totalement grippé. Donc, évidemment, c'est une utopie, évidemment, ça sera difficile à réaliser, voire impossible. Mais en même temps, est-ce qu'on peut accepter que des jeunes rentrent dans une université et qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, ils soient plus là ? Est-ce qu'on peut accepter que d'autres jeunes soient extraits du système et ne fréquentent jamais des universités ? Est-ce qu'on peut accepter que, par exemple, à la fin de ces parcours, il n'y ait pas plus de doctorats, pas plus de docteurs qui pèsent dans les sphères de décision publique ou économique? Regardez la différence entre les pays anglo-saxons et nous. Les élites des pays anglo-saxons, presque toutes et tous, fait des doctorats. Bon. Est-ce que notre système en Allemagne aussi. Voilà. Est-ce que notre système n'a pas besoin un jour de bouger? Est-ce qu'il ne faut pas s'interroger sur le faire bouger? Et est-ce qu'il ne faut pas, voilà, que ça soit des moments, parce qu'il y a ces souhaits de transformation, où on réfléchit sur ça? Alors, après, moi, ce que je pense aussi, c'est qu'il faut revaloriser fortement l'idée d'université. Vous allez aux États-Unis, vous allez vous parler de l'Allemagne, vous allez en Chine. Il y a un seul lieu de formation qui est clair. Donc, c'est aussi dans la logique de dire il faut qu'il y ait une lisibilité de ce qu'on fait. Et encore une fois, il faut que les jeunes... Et c'est pour ça que je trouve que l'histoire de Rachid Taha et de Rodolphe Burger ensemble, c'est une belle histoire. C'est-à-dire que, voilà, nous sommes dans le même pays, nous devons le construire ensemble, nous devons le faire vivre ensemble, faisons-le et... Essayons de, si on réussit à limiter un certain nombre des barrières et des frontières qu'on a entre nous, la journée ne sera pas perdue. Vous avez dit que l'université, c'est un lieu de solidarité. Oui, ouais. Moi je crois beaucoup que il y a, voilà, ce qui se passe aujourd'hui, par exemple pour l'accueil des réfugiés, moi je suis très épaté quand je vois des étudiants de Paris 8, des étudiants de l'ENS, faire beaucoup de choses et assumer ça comme une espèce de devoir d'engagement, qui donne des cours de français aux migrants par exemple. Qui donne des cours de français aux migrants, de français ou d'autres choses, ou d'autres disciplines, qui les accueillent, qui leur disent « Regardez, voilà, nous sommes fiers et heureux que vous soyez en France. » Et c'est très important qu'il y ait ces formes de mobilisation. Ce sont des mobilisations extrêmement constructives, extrêmement, et voilà, qui montrent que la solidarité, ce n'est pas un mot vain, ça existe, et ça existe dans un espace lié à la transmission. Oui. D'autant plus que la solidarité a une belle anagramme qui va vous plaire. La solidarité a pour anagramme droit à l'asile. Voilà, vous avez mieux répondu que moi. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors quel est le rôle du CNAM vis-à-vis des migrants ? Je crois savoir que vous avez pris des initiatives de formation également. Alors, on a fait une opération qui s'appelle un métier pour les migrants. Moi, ce que je pense aussi, c'est qu'il faut que chaque organisation, chaque établissement, chaque instance fasse ce à quoi il est le mieux préparé. Donc nous, qu'est-ce que nous faisons ? Nous faisons l'accueil, c'est-à-dire nous disons, voilà, nous accueillons à titre vraiment, en faisant très attention à voir quelles sont les potentialités des personnes qui viennent au CNAM, et après, nous leur proposons le parcours de formation professionnelle le plus adapté. Évidemment, nous les avons exonérés, les réfugiés, d'un certain nombre de droits, parce qu'ils ont souvent des situations financières extrêmement compliquées, et nous allons leur donner la bonne formation. On a, par exemple, il y a une opération qui s'appelle Chiron, qui est très importante. Nous venons d'accueillir un jeune du Bangladesh à qui nous donnons des formations en informatique. On a essayé de voir quelles étaient ses potentialités, comment il allait avancer. Et honnêtement, il deviendra quelqu'un qui et il faut renverser tout ce qui est dit. Parce que voilà, j'entends déjà et je sais déjà que voilà, j'aurai des tweets en disant est-ce que c'est le sujet pour les établissements publics ? Oui, parce que nous avons évidemment un devoir d'accueil, mais oui aussi parce que je vais faire un discours très pragmatique. Ce jeune du Bangladesh, il va aider au développement du pays. Donc qu'on arrête les procès d'intention et qu'on arrête ça. Notre pays a besoin d'ouvrir les fenêtres, de respirer. Et d'avancer avec tous ces talents et tous ces jeunes venus de partout. Il y a une autre question sensible, Olivier Faron, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, c'est le fait que la France a cette particularité d'avoir les grandes écoles d'un côté, l'université à côté. Est-ce que ce système qui est unique hein, dans le monde est voué à continuer ? Est-ce que vous avez des solutions pour rapprocher les deux pôles ou sinon les fusionner, du moins faire en sorte que il soit inséré dans un système plus cohérent. Alors je vous rassure, hein, cette liste à la Prévert ne s'arrête pas aux deux types d'établissements, puisque moi j'ai l'honneur de diriger un grand établissement, donc c'est déjà un troisième type dans une nature. On pourrait faire de la marque ou du Linné. Est-ce que quelqu'un à l'étranger arrive à comprendre non, le système français? Non. Donc ce qui est bien, c'est que depuis une dizaine d'années, voilà, tout le monde concorde sur le fait qu'il faut se regrouper, donner une lisibilité. Moi, quand je parle de l'université avec un grand U, je pense qu'il y a, il faut construire une nouvelle logique des pôles universitaires et chacune et chacun à sa place. Bon. Et qu'il y ait des environnements, qu'il y ait des établissements qui soient plus exigeants, c'est la caractéristique du système français et c'est une force du système français. Ce que je dis simplement, c'est qu'il faut réfléchir à l'entrée dans ces systèmes-là et que toutes les formes d'intelligence du pays, toutes les formes de talent, toutes les formes de potentialité soient reconnues, alors qu'objectivement aujourd'hui ce n'est pas le cas. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus de passerelles parce que vous pouvez pas demander à un jeune de 16-17 ans au moment du bac, 17-18 ans, de savoir exactement ce qu'il veut faire. Vous pouvez pas lui dire à 22 ans, tu seras déjà dans ce silo-là. Donc, il faut qu'il y ait des passerelles. Et puis, il faut qu'il y ait une cohérence d'ensemble et des valeurs partagées. Donc, évidemment que chaque établissement a son rôle à jouer et qu'évidemment que chaque établissement le fait très bien, mais il faut qu'il y ait derrière cette volonté de porter ensemble, encore plus qu'avant, ce message de la formation. On approche de la fin de l'émission, Olivier Faron, alors on va reparler un peu de science. Quel rôle vous voyez qu'on pourrait attribuer à la science dans la formation à l'école ? Est-ce que la science, est là pour vous, quand elle est enseignée, a pour vocation de fabriquer entre guillemets des scientifiques, ou est-ce qu'elle peut avoir un autre rôle pédagogique qui n'est pas celui de former des scientifiques, mais d'ouvrir l'esprit, de le former à des modes de raisonnement qui ne sont pas spontanés ? Alors, d'abord, je pense que la science est un formidable outil dans la construction, notamment à l'école. Mais je pense aussi que il faut, sur la science comme sur d'autres choses, que la transmission de la science soit un peu revisitée. Moi, je vous prends un exemple qui c'est pas directement en réponse à votre question, mais c'est un exemple qui m'est cher. Quand vous savez qu'un professeur des écoles, quand il parle de science, quand il parle des sujets que vous mentionnez, dans l'école et notamment dans l'école primaire, s'intéresse et pose des questions trois fois plus à des garçons qu'à des filles, toutes les études le montrent. D'accord ? Est-ce que ça, c'est acceptable ? Après, on se dit, bah, c'est marrant parce qu'il n'y a pas de femmes, il n'y a pas assez de femmes dans le domaine scientifique. Pourtant, elles sont meilleures en terminale que les garçons. Voilà. Mais ce que je vous dis, c'est démontré par des papiers. D'accord ? Donc, ça veut dire aussi que la façon dont la science elle-même est déployée, donc il y a un formidable sujet, à mon avis, de réflexion sur la formation des enseignants et tout, mais c'est un formidable sujet, c'est pour ça. Nous sommes très contents au CNAM d'avoir créé une chaire sur la question du genre et orientation professionnelle pour voir comment on peut aller en avant. Et puis, Il y a, et je crois qu'il faut faire très attention que le soufflet ne retombe pas, il y a plein d'initiatives, on parlait tout à l'heure de culture scientifique, je pense à la main à la pâte, superbe travail évidemment, c'est l'occasion de lui rendre hommage de Georges Charpak, mais relayé par Pierre Léna et d'autres qui portent très bien, qui portent avec beaucoup d'énergie et de talent ces questions-là. Et donc je pense que ça, c'est-à-dire essayer de faciliter les modes, à la fois l'appétence et l'appréhension, c'est quelque chose d'important. Je pense enfin que il faut arrêter il faut arrêter les il y a des savoirs partagés, il faut arrêter qu'il y ait notamment quand on arrive au lycée des espèces de domaines où il n'y aurait plus de science, il n'y aurait plus d'histoire, il n'y aurait plus, il y a malgré tout un sujet d'enjeux partagés qui est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que, je vais dire une évidence, mais les débats politiques, les débats sur les sujets qui vont être les sujets majeurs pour les nouvelles générations, on a parlé du sujet des migrations, du sujet de l'accueil, mais on pourrait parler du sujet du développement durable, nécessitent un minimum de connaissances de type scientifique. Et ça, c'est extrêmement important. Vous pouvez pas avoir et lire dans les journaux quelles sont les conséquences du génome et avoir des populations et des concitoyennes et concitoyens qui n'ont pas cette capacité à maîtriser ces débats-là. Il y a beaucoup d'initiatives, vous en avez rappelé quelques-unes, mais néanmoins, la France a l'air de décrocher dans les classements et les évaluations internationaux, comme par exemple le PISA, Programme international de suivi des acquis des élèves de 15 ans en mathématiques, en sciences. La France recule malgré tous les efforts dont vous parlez. Est-ce que vous avez une explication ? L'explication, elle est malgré tout, si vous regardez bien PISA, elle revient plus, parce qu'il faut quand même souligner le formidable engagement des collègues du secondaire. Hein. Tous les profs font un formidable travail, on ne le dit jamais assez, mais voilà, il faut rappeler ce rôle des enseignants. En même temps, il est clair que le système est un système qui isole, qui sépare, que très tôt, je parlais de trous dans le tuyau, très tôt, il y a en gros un système qui privilégie un certain nombre de filières au lycée, et que ce que raconte PISA aussi, c'est d'un système qui est distribué de façon peu égale en termes sociaux, et je pense que ça, c'est quelque chose qui doit nous interroger. Et puis, il y a PISA, ça a été souvent des douches froides. Je pense à l'Allemagne d'il y a 10 ans, je pense à un certain nombre. Donc, nous avons, et quand je parlais d'ouverture au monde, je pense que apprendre de nos voisins, mais aussi de tous ceux qui réussissent bien, cette lecture de ce qui marche bien, cette lecture des bonnes expériences, cette lecture des bonnes pratiques, c'est absolument majeur. Merci Olivier Faron d'être venu à la conversation scientifique. On devine chez vous une certaine, enfin on fait plus que la deviner, on la sent, une certaine énergie. Ah mais moi je vais vous démontrer, Étienne Klein, que même à notre âge on doit être énergique. et je veux surtout vous dire que je pense, et si vous me permettez en une phrase, moi je pense qu'aujourd'hui où on en parle de toutes les façons, je pense que le service public, c'est le plus beau des métiers, c'est un formidable engagement. Ça va paraître totalement ringard de dire ça, mais moi je pense que le service public, le service de nos concitoyennes et concitoyens, nous incarnons une parcelle de ce que l'État nous demande de faire, ben c'est la plus belle des choses. Et si vous le faites sans énergie, sans envie, sans motivation, il faut mieux passer à autre chose. En tout cas, par définition de ce qu'on appelle l'énergie, la vôtre devrait produire quelque effet. Merci à vous. C'était La Conversation Scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Manuel Couturier et à la réalisation François Connac. Quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.